Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais d'abord me présenter brièvement. Je m'appelle Lars Posselmann. Je suis d'origine allemande, vivant à Bruxelles, en Belgique, depuis maintenant 14 ans. Oui, le temps passe vite. Et je suis surtout un grand passionné de tennis. Et c'est ça qui fait que je vous parle maintenant. Parce que je me suis lancé, et c'est la première fois dans ma vie que je lance aussi un podcast, donc soyez indulgents quant à sa qualité, c'est vraiment un essai. Et je ne suis pas un grand fan de toutes ces nouvelles technologies, j'en suis peut-être pas le maître, certainement pas, mais je me suis dit que ça pourrait être un bon moyen de communication pour partager ma passion que j'ai pour le tennis, qui est quand même un des plus beaux sports au monde. Avec vous. Bah, au vu contenu de mes origines, donc je vais mettre l'accent sur les joueurs, les prestations des Belges, des Français et des Allemands, tout en parlant évidemment des vedettes du circuit. Et ce que je compte faire donc à partir d'aujourd'hui, c'est de à chaque fois qu'il y a un tournoi du Grand Chelem, parce que ce sont quand même les temps forts de la saison tennistique. J'aimerais vraiment faire quotidiennement un petit 3 minutes, 4 minutes portant sur les temps forts de la journée écoulée pour la débriefer, la commenter un peu avec vous pour partager voilà, mes impressions et mes analyses sur les matchs de la nuit ou de la journée précédente. En commençant donc par l'US Open aujourd'hui. J'ai vraiment hâte que ça commence, première chose, parce que depuis Wimbledon, c'est vrai, et toutes les émotions qu'on a pu vivre, notamment lors de la finale entre Federer et Djokovic, c'est vrai, on a vraiment envie que le tournoi de Grand Chelem reprenne, parce que c'est vraiment que lors des tournois Grand Chelem qu'on puisse vivre ce genre d'émotions, des matchs à rallonge, historiques, avec des rebondissements, des retournements de situation. Et donc voilà, j'ai vraiment envie que ça commence dès cet après-midi, heure belge en tout cas, et avec l'entrée en liste et la première journée de pas mal de joueurs vraiment de vedettes, comme je disais tout à l'heure, notamment la fameuse moitié du tableau chez les hommes, Federer, Djokovic, avec peut-être aussi Medvedev comme outsider qui est là, dès ce soir, dès cette nuit. Donc ça promet déjà pour le début du tournoi. Et chez les femmes, évidemment, il y a quand même à épingler le choc entre Serena Williams et Maria Sharapova pour un premier tour. C'est quand même plutôt bon. Voilà, je voulais juste lancer en introduction un peu ce podcast. Je vais en rester là pour l'instant et je promets d'être de retour demain avec donc les premières impressions, les premières analyses, des premiers résultats de cette journée que j'espère riche en émotions et peut-être, pourquoi pas, déjà en sensations, en petites surprises par-ci par-là. C'est ça aussi qui fait le charme et la beauté des tournois du Grand Chelem. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à demain et prenez beaucoup de plaisir en regardant les matchs de l'US Open.